Je m'appelle Harbert et c'est moi qui vais vous raconter l'incroyable aventure que nous vécûrent il y a quelque temps déjà. En 1865, la guerre civile des États-Unis touchait à sa fin. C'est à Richmond, capitale des sudistes assiégée par le général Grant, que mon oncle Pencroff et moi-même, Robert, 15 ans, firent la connaissance d'un ingénieur, Mr. Cyrus Smith, et de son serviteur qui était noir. Ce jeune homme, fort comme 10 hommes à lui seul, se dénommait Nab. Les présentations furent donc ainsi faites. Oh, Nab, c'est mon surnom. En vérité, je m'appelle Nabucodonosor. De son chien Top et de monsieur Gédéon Spilett, journaliste. Nous cherchions tous désespérément un moyen de nous évader de Richmond pour rejoindre les troupes gouvernementales. Une nuit où l'ouragan faisait rage, nous réussîmes, après avoir éliminé les sentinelles, à nous emparer d'un beau grand ballon dirigeable qui était amarré sur la grande place et qui, par chance, avait sa nacelle bourrée d'armes et de vivres. 5 jours après notre départ, nous perdîmes complètement le contrôle de notre ballon. Le vent n'avait pas cessé de souffler à des vitesses variant de 160 à 200 km/h en direction du sud-ouest, et nous devions sans doute être au-dessus du Pacifique à des milliers de kilomètres de notre point de départ. Notre ballon se dégonflait de plus en plus et nous avions dû successivement nous débarrasser de tout ce que contenait la nacelle, armes, instruments, vivres et même provisions d'eau potable. En un mot, nous étions à la dérive, livrés à notre destin qui, chaque minute, s'assombrissait un peu plus. Chacun était inquiet sans trop oser le dire concrètement. Le plus nerveux de tous était M. Pencroff, mon oncle. À chaque instant, il posait des questions et il s'agitait comme une puce. Remontons-nous, Monsieur Spilett ? Non, au contraire, nous descendons. Je dirais même pire que ça. Nous tombons, Monsieur Sirius. Et même le chien Top n'emmenait pas large. On eût dit que l'animal sentait ce qui allait se passer. C'était une bête, mais son intelligence n'était pas loin de certains êtres humains. Tu as entendu quelque chose, Top ? Les événements se précipitèrent soudain. Oh, cette grosse vague ! Ce fut à cet instant que M. Sirius, l'ingénieur, s'écria : Terre, terre ! La nacelle s'écrasa sur le sol dur. Nous n'étions donc pas tombés à la mer. Par chance. Et pourtant, personne n'en était vraiment sûr. Sommes-nous tous à terre ? Et où sont les autres ? Il faut dire que le choc avait été si violent que nous avions été tous dispersés et que, dans ce noir complet dans lequel nous étions plongés, nous n'y voyions que gouttes. Monsieur Sirius ! Top ! Le chien a disparu aussi. Monsieur Sirius ! Monsieur Sirius ! Monsieur Sirius ! Monsieur Sirius ! Le vent était tombé, mais le froid était vif. Et nous souffrions cruellement. Nous passâmes la nuit à aller et venir sur cette grève, à scruter la nuit, à écouter le moindre bruissement et à appeler. Monsieur Sirius ! Étions-nous sur une île ou sur un continent ? Lorsque le soleil se leva, notre nouveau domaine nous apparut enfin. Monsieur Sirius n'est pas là. Cependant, le Seigneur ne nous avait pas tellement abandonnés. Une rivière d'eau douce se jetait dans la baie, à 200 pas à peine de l'endroit où nous nous trouvions, et une grotte, qui se trouvait miraculeusement au bord de la plage, nous servit d'abri. Et les coquillages ne manquaient pas. Il y avait du bois mort dans la forêt voisine. Par chance, nous avions encore nos briquets en état de marche Mais surtout, le chien Top finit par nous retrouver et il nous mena à Mr. Cyrus Smith, qui était étendu, évanoui, sur un lit de feuillage, à plus d'un kilomètre de là. Je me permis l'audace de lui mettre quelques claques. Alors, il revint à lui. Il faut que vous ayez été jeté sur le rivage et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici, puisque nous avons retrouvé l'empreinte de vos pas. L'empreinte de mes pas? Mais à quelle distance sommes-nous du rivage? Moi, nous sommes à plus d'un kilomètre. J'aurais donc dû marcher plus d'un kilomètre sans en avoir conscience? Et j'aurais confectionné ce bon lit de feuillage? C'est tout de même bien étrange. Voilà qui est singulier, en effet. Nous commençâmes à nous organiser et explorer cette terre où le Seigneur nous avait jetés. Et la même question me torturait toujours. Île ou continent? Qu'importe, nous marchâmes vers l'intérieur des terres. Quelques jours plus tard, nous arrivions au sommet d'une montagne. Cette montagne était d'ailleurs un volcan, éteint vraisemblablement depuis des siècles. De là, nous eûmes une vue imprenable sur l'ensemble du paysage. Eh bien, mes amis, nous sommes sur une île. Oh, ben ça alors, une île déserte perdue. Oh là là là là là là là, qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous appelâmes notre île, l'île Lincoln. Les jours passèrent, puis les semaines. Pendant les mois qui suivirent, nous nous mîmes sous la direction de Mr. Sirius, tour à tour chasseur armé d'arcs et de flèches, et pêcheur, mais aussi bûcheron et charpentier, briquetier et potier. Ce qui fait que nous étions arrivés à fabriquer l'essentiel qui nous était indispensable. Nous découvrîmes dans le sein même de la haute muraille de granit, à une centaine de pieds au-dessus de la mer, une caverne extraordinaire dont nous fîmes une véritable forteresse. Dans cette caverne, il y avait comme un puits très profond au fond duquel il y avait de l'eau. D'après Mr. Sirius, c'était vraisemblablement la mer qui communiquait avec ce puits. Lorsque nous l'avions découvert, Top avait aboyé furieusement et depuis, il n'arrêtait de rôder autour en grognant. Un jour, nous avions découvert sur la plage une étrange épave. C'était une caisse que nous trouvâmes remplie d'armes et de munitions, d'outils et d'ustensiles, ainsi que des vêtements et une longue vue. Il y avait aussi une Bible. Lorsque Mr. Sirius la prise en main, elle s'ouvrit aussi nette. Et en face d'une croix, marquée au crayon rouge, il lut « Quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve. » Voilà qui était singulier. Était-ce ce fruit du hasard ou un signe du destin? Deux années s'écoulèrent pendant lesquelles nous exploitâmes littéralement notre île. Nous semions, nous récoltions. Et un matin... Un navire! Oh diable! Ah, chouette alors! Quel pavillon arbore-t-il? Oh juste ciel! Il a le pavillon noir! Il lui suffit maintenant d'une manœuvre pour mouiller! Aïe aïe aïe aïe aïe, ce sont des pirates! Cette fois-ci, nous sommes perdus. Ça, par exemple, mais ma parole, regardez, le navire a sauté. Mais il est coupé en deux. C'est incroyable. Il coule. Cette fois, nous saurons... Et nous saurons quoi? Monsieur Sirius, regardez ce que j'ai trouvé. Un cylindre en métal. Ce cylindre est tout ce qui reste d'une torpille, hein, on dirait. Un cylindre de métal. Ce cylindre est tout ce qu'il reste d'une torpille. Ah, mes amis, nous ne pouvons plus mettre en doute la présence sur notre île d'un être mystérieux et étrange, puissant, qui nous aide et qui nous protège. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Sirius, vous avez entendu? Regardez, le volcan! Le volcan se serait réveillé. Que pouvons-nous faire? Nous sommes dans la main de Dieu. En rentrant dans notre caverne, quelle ne fut pas notre surprise de trouver près du couvercle du puits une lettre. Oui, oui, vous avez bien compris, une lettre adressée à Mr. Cyrus Smith. Et elle disait très exactement ceci. J'ai besoin de vous voir en toute hâte. Descendez dans le puits avec votre chef à l'aide d'une liane. Au fond, vous trouverez un canot. Par le canal intérieur, en suivant les lumières, vous arriverez à un lac intérieur aussi. Et là, vous trouverez mon Nautilus. Accosté, je vous attends, Capitaine Nemo. Serait-ce légendaire sous-marin, le Nautilus, celui du Capitaine Nemo? Celui de 20 000 lieues sous les mers. Mais voici 30 ans que nous n'avons plus entendu parler de lui. Nous fîmes donc ce que l'on nous demandait. Et nous arrivâmes au sous-marin et montèrent à bord tous ces livres et ces meubles, des armures, des tableaux, des statues. Quel luxe! Mais c'est un musée. Oh là là, c'est un véritable palais ici, hein. C'est beau, hein. Un palais flottant. Mais pourtant, un véritable sous-marin. Oh. Soudain, derrière eux, une voix grave s'éleva. Oui, messieurs. Voici 30 ans que je n'ai plus aucune communication avec le monde habité. Et 6 ans que je ne navigue plus. Tous mes compagnons sont morts, les uns après les autres. Oui, c'est moi, monsieur Cyrus Smith, qui vous ai protégé dès votre naufrage sur cette île. Le hasard me fit assister à la chute de votre ballon. Revêtu de mon scaphandre, je me promenais à quelques encablures de la grève lorsque vous fûtes précipité dans la mer et je vous ai porté jusqu'au rivage. Les traces de pas? Le lit de feuillage. Par le puits communiquant avec votre caverne, j'ai pu entendre vos conversations. J'ai pu vous juger, vous observer. Je vous ai vu honnête, énergique, liés les uns aux autres par une amitié fraternelle et courageuse. C'est moi qui fis échouer cette épave, contenant des objets qui vous ont été utiles, je pense. Et c'est vous qui fîtes sauter et échouer le bateau pirate en envoyant une torpille? Oui, à présent que mes heures sont comptées, car je le sais, messieurs, je vais mourir dans peu de temps. J'ai un ultime avis à vous donner. Vous devez tout faire pour quitter cette île au plus vite. La crypte qui mène à ce port sous-marin n'est séparée de la cheminée centrale du volcan que par une mince paroi. Cette paroi est en train de se fissurer. Le jour où la mer pénétrera dans la cheminée centrale jusque dans les entrailles de l'île, cette île explosera et disparaîtra de la surface de la mer à tout jamais. Personne au monde n'est capable de ressusciter le Nautilus. Construisez un bateau plus vite et fuyez. Mais vous, Capitaine Nemo? Oh, moi, je suis déjà mort. Faites ce que je vous dis sans discuter et fuyez, mes amis. Cette île qui nous a donné asile. Que nous aimions tant. Tant de travaux pour rien. On a travaillé pour rien, oui, vous voulez dire. Cela brise le cœur. Mais Monsieur Cyrus n'était pas ingénieur pour rien. Il savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Que le ciel nous donne le temps de construire ce bateau. Au travail! Mais l'irréparable se produisit. Comme l'avait prédit le capitaine Nemo, le volcan se fissura, la mer envahit l'île, qui ne fut bientôt plus qu'un îlot perdu au milieu de l'océan. Un roc isolé, long de 30 pieds, large de 15, émergeant de 10 à peine, était tout ce qui restait de notre île. Si nous avions tous les 5, tous 6 avec Top, survécu, c'est que, réunis sur la grève, au moment de l'explosion, nous avions été précipités à la mer. C'est sur notre roc nu que nous vécûmes pendant 9 jours sans rien à manger. Nous commencions à délirer lorsque M. Pencroff, dans un ultime sursaut, s'écria « Navire ! Regardez, un navire !»« Oui, oui, je le vois, un navire en vue !» Le navire fit un détour et nous repêcha. De retour aux États-Unis, la guerre civile avait cessé. Les hommes de ce beau pays s'étaient enfin réconciliés. Mais lorsque nous tentions de raconter notre aventure à quelques journalistes en quête de sensationnel, nul ne nous croyait. Et leurs articles semblaient nous traiter de doux rigolos, de fous ou de mythomanes. Pourtant, je peux bien vous jurer que toute cette histoire n'est pas le fruit de notre imagination.